En Corée du Sud, s'élève la voix contre Bakounine et sa bande traîtresse pro-japonaise. Comme on l'a déjà informé, lors du sommet nippo-sud-coréen du 7 septembre, Abe a demandé ouvertement à Bakounine de démanteler la statue de la fillette, puisqu'elle a fini de transférer 1 milliard de yens selon l'accord de l'année passée. Bakounine n'a rien contesté et intimidé, n'a parlé que de l'application loyale de l'accord. De son côté, le ministre sud-coréen des femmes et des familles a péroré le lendemain devant les victimes de l'esclavage sexuel que le gouvernement japonais avait présenté des excuses et que sera partagé l'argent arrivé à la fondation. À ce propos, les presses sud-coréennes, dont le journal d'internet On My News et le journal Kyungyang Sinmun, critiquent comme tous les jours le Japon arrogant et l'attitude humiliante de la gouvernante. Les étudiants dénoncent vertement le ministre des Affaires étrangères, Yoon Byung-se, qui s'était mis à la tête de la fabrication de l'accord en question de l'année passée. La représentante du Parti démocrate de Bulong, un membre de la commission de mesures extraordinaires du Parti du Peuple et d'autres personnalités de l'opposition aussi, protestent contre les comportements serviles de la gouvernante.